Arc-en-ciel, il est 15h. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. So bold tonight, I think I'll ask her what is wrong. She seems a bit embarrassed, and I understand. I say, I wish that you were having a good time. She says, you know, I've never really met someone like you. You know, I've never really met someone like you. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat. The way they roll. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat break.

Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la FM en couleur. We shine like a new tattoo, scarred on skin, bright as day. Across my heart, there is no other way. Give me tomorrow, and I'll give you today. In the end, there is no other way. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, jusqu'à 17h, c'est micro ouvert, la dernière de la saison. Nous aurons le plaisir de nous retrouver à la rentrée en septembre avec notre amie Valérie. Chansons françaises, jazz et ma foi, musique du monde aussi, hein. Jusqu'à 17h donc, pour passer un petit après-midi tranquille. Il fait très beau, il fait très chaud, j'espère que vous êtes bien installés et que vous allez profiter de cet après-midi en notre compagnie. À 17h bien sûr, ce sera le rendez-vous du livre sur Radio Arc-en-Ciel. le rendez-vous que vous donnent Irène, Eliane et Jean-Pierre pour La vie comme elle va, l'émission où le livre fait son show sur la radio. La vie comme elle va, 17h-18h chaque mercredi sur le 96.2 FM de l'Orléanais. À 18h, le rendez-vous est incontournable, c'est celui que vous donne Violette. Pour la musique traditionnelle, 19h, Violette ouvrira son agenda des sorties. 18h-19h30, traditionnel, c'est avec Violette. Bon après-midi à tous. C'était le Daniel Garcia Trio. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Come on down, look around. All the world is flying 3 feet off the ground. I don't know you, it's plain to see. But I'm looking at the way you're looking at me. The way you're looking at me, yeah. Oh. If they were strangers, if they were strangers, but what if real love is not avenue? If you think we're strangers, if they were strangers, but what if real love is not avenue? Standing here, face to face. Something more, just a twist of fate. I'll walk away, we'll never know if we had something real, but then we let it go. Breathing about the fall.

got a bad desire. Tell me now, baby, is he good to you? Will he do to you the things that I'll do? Oh no, I can take you high. Oh, I'm fine. Someone took a knife, baby, edgy and dull. Cut a 6-inch belly through the middle of my skull. And now I wake up with a sheet soaking wet and a freight train running the middle of my head. Only you can cool my desire. Sans conclusion, ils n'ont ni tort ni raison. corps ne disent rien d'autre que ce qu'ils font. Appelle-moi câlin, amour matin. Appelle-moi détour, amour lenteur. Appelle-moi paresse, rime ou ivresse. Appelle-moi bataille, mer ou détail. Appelle-moi chanson, lave ou béton. Appelle-moi respect, fleuve ou regret. Appelle-moi reflet, fond ou sabret. Appelle-moi avion. Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se trouve à l'abri. T'attends transi sous une tuile de ton toit, devant de la nuit froide. Devant la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Pleine d'idées et le cœur coupé dans mes. la pensée. Je me suis dit, pourquoi pas aller au bord juste à côté et rencontrer, rencontrer des gens comme moi. Et puis là, j'ai mon cellulaire qui m'amène sur table. Et puis là, j'ai ma femme. Avec la barmaid qui me fait rêver, je me sens coupable de la regarder. Mes yeux sont déjà donnés parce que j'ai l'impression que je tourne en rond. Au moins, ils savent, ils me connaissent pas. Ça pas le cafard à boire du fort. Plus on en voit, plus on y croit. Country, un petit peu blues, venu du Québec, et puis un petit peu de jazz. J'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien pour vous. Dans vos voitures, la clim fonctionne à merveille et c'est tant mieux. C'est Micro Ouvert sur Radio Arc-en-Ciel, une émission conçue et réalisée d'habitude par notre amie Valérie, que nous retrouverons à la rentrée. Micro ouvert jusqu'à 17h donc, et puis La vie comme elle va, l'émission où les livres ont la parole sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, rafraîchissement pour tout le monde.

You say you do, but then you deny it. Laughing, lying. You tell me blah, blah, blah, blah, blah. Down, good, bad, warm, cold, what's new? You say you go, but then you stay. Today is no tomorrow, you change it. Turn that face in. You tell me blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Cécilie Norby, une dame du jazz. J'espère que ça vous a plu. Bientôt 16h sur Radio Arc-en-Ciel. Il est tout juste 16h. music they make. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some lesson on the game. If you wanna ride free, you better find another way. Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they keep you people, you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Be between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. Tricksters out there, we just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free, you know what I mean? And we just gonna fade out. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. To be scared of the big bad wolf is in for real. Hey, let's go and hide into the attic. Nothing to be scared of, the boogeyman is in for real. To be scared of, the restriction is in for real. Hey, let's spend the night upon the hill. Nothing to be scared of, the tiredness is in for real. Dancing between the trees, nothing to be scared of, the big bad wolf is in for real. Hey, let's go and hide into the attic. Nothing to be scared of, the boogeyman is in for real. We'll never get old, and what we des seaux d'eau glacée comme l'hiver. Même le froid noircit les doigts. Réchauffe-toi, réchauffe-moi. Carotte polaire, je tergiverse entre les deux bouts de ma chair. J'enflamme le bêta-carotène, j'enracine mes veines, la bipolarité dans les terres. Même tes doigts blanchissent le froid. Réchauffe-toi, réchauffe-moi. Super chérie, super chérie, super chérie. super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie, super chérie. Ta photo celle que tu as prise de moi sur l'île verte j'ai rangé tes souliers avec ta vieille veste dans la malle bleue j'y ai retrouvé ton tout premier disque Kind of Blue de Miles Davis Kind of Blue de Miles Davis Encore un peu ici Assis dans la cuisine À lire ta poésie À choisir ta casserole Dans un but précis Le grand soutre elle est pensée avec Romy Schneider Elles te font dire bonjour Elles nous ont ramené notre version de poche Clochard céleste J'ai hashtagué des fleurs Des oursons et des cœurs Sur le mur de Camille Et j'ai téléchargé En toute légalité Le dernier Kanye West Le dernier Kanye West 17h, c'est micro ouvert, une émission consacrée à la chanson, à la musique. À 17h, on retrouve l'équipe sympathique de La Vie comme elle va. Eliane, Irène, Jean-Pierre seront là pour partager leur passion du livre. Et oui, le livre fait son show sur Radio Arc-en-Ciel. La vie comme elle va, 17h, 18h, chaque mercredi. Et puis bien sûr, 18h, rendez-vous avec Violette et la musique traditionnelle. Musique à chanter, à danser, musique d'hier, d'aujourd'hui. 19h, ouverture de l'agenda des sorties. Toujours très riche, l'agenda de Violette. 18h, 19h30, traditionnel, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Oh, canta la lamentación al vaivén de mi carreta. Nació esta lamentación, compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. Tú sol a sol, trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Tú ves. Vivo el año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Destino traicionero, trabajo para el inglés. Qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuánto llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuánto llegaré al bohío? Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es. Mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento. Maldiciendo a mí, pero cuando me besas, me renace la fe. Se me olvida en el momento que tú no quieres querer. al bebé. Oh no. Que van cantando y otra para los que van llorando. Entre medio pasan dos caminos diferentes para ir eligiendo. Uno para los que son sinceros y otro para los que van mintiendo. El dinero no lo compra todo, pero sirve para vivir tranquilo. El amor será lo más sabroso, sobre todo si correspondido. El que nada hace nada teme, igualito que los que no tienen. Y al que todo tiene le conviene que las cosas sigan como vienen. Al político farandulero tus problemas le importan un bledo. Por la feria se va de paseo para ser elegido de nuevo. Esta vida tiene dos veredas, dos caminos. Y correspondido. El que nada hace nada teme, igualito que lo que no tienen. Y aunque todo tiene le conviene que las cosas sigan como vienen. Al político farandulero tus problemas le importan un bledo. Por la feria se va de paseo para ser elegido de nuevo. Y esta vida tiene dos veredas, dos caminos. Sometimes I feel that I could hate this world and its roundabout ways to fake beauty. Sometimes I feel that I'm not a woman of compromises, not really. But I can't C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro,